Divers pays ont rapporté les nouvelles des activités révolutionnaires du maréchal Kim Jong-un. L'agence de presse d'Internet Primorsky Reporter de Russie a fait part que le maréchal Kim Jong-un a inspecté les processus de production de la peinture acrylique nouvellement mis sur pied au complexe chimique de Suncheon. Le journal sénégalais Le Populaire a annoncé la nouvelle de sa visite au complexe d'arboriculture fruitière des Dongan. Et le magazine d'Internet Nepal Today, Léon page d'Internet du Comité national nigérien d'études du kimilsonisme kimjonglisme, du Comité national d'études des études du Congo démocratique et Léon page d'Internet du Forum allemand anti-impérialiste, les nouvelles des inspections, ont ajouté à cette nouvelle son inspection du centre d'élevage porcin des Dongan. Les internets russes, allemands et du Congo démocratique ont présenté les photos du maréchal coréen.